un amour qui vivrait toujours. Une jolie fille qui me rendrait fou. Avec elle, tout serait plus doux. Elle serait pour moi. Après la nuit, ma lumière. Après la pluie, l'arc-en-ciel. Et je cherchais. Oh oui. Longtemps j'avais cherché la femme qui ressemble à mon idéal. Longtemps j'avais cherché la femme. Mais je ne trouvais rien. Mais toi, tu étais là. Et je ne te voyais pas. Et je cherchais ailleurs. Aujourd'hui j'ai ouvert les yeux. Au lieu de regarder les cieux, je recherchais l'amour à 100 lieues. Alors qu'il était là sous mes yeux. Bien sûr, tu étais l'ami, tu faisais partie de ma vie et tu m'aimais.